Super, on n'a pas de sketch pour commencer, personne a bossé. Alors Yann, qu'est-ce qu'on fait ? Ah non, je retourne pas dans le placard pour justifier ces bêtises. Une fois, pas deux. Attends, j'ai une idée. Je la sens mal, mais au point où on en est, vas-y. Will, tu es prêt ? Oui. Transcription radio entre deux bateaux. Ici le A853. S'il vous plaît, veuillez changer de cap de 15 degrés sud pour éviter que nous n'entrions en collision. Vous venez droit sur nous à grande vitesse. Nous vous recommandons de changer de cap de 15 degrés nord pour éviter la collision. Négatif, je répète, changer de cap 15 degrés sud pour éviter collision. Je suis le capitaine d'un navire des États-Unis d'Amérique. Je le sens mal. J'insiste, déviez votre course de 15 degrés nord immédiatement. Nous ne souhaitons ni cela possible, ni souhaitable. Nous vous suggérons de dévier votre course de 15 degrés sud pour éviter collision. Ici le capitaine Shepard, commandant du porte-avions de l'USS Edenvour, la marine américaine, la deuxième plus importante flotte du monde. Et merde. Nous sommes escortés par deux navires de guerre, 6 destroyers, 5 paquebots, 4 sous-marins et embarcations de renfort. Nous nous rendons dans le golfe Persique pour des manœuvres militaires en vue d'offensive en Irak. Je vous ordonne de changer de cap de 15 degrés nord, où nous prendrons les mesures pour garantir la sécurité de notre force de coalition. Vous appartenez à un pays de l'OTAN allié à cette coalition, alors obtempérez. Ici Juan Manuel Salas Alcantara. Nous sommes deux, nous sommes escortés par notre chien, notre bouffe, deux bières et un canari endormi. Nous avons le soutien du canal 16 des urgences maritimes. On ne va nulle part, je vous parle depuis la terre ferme. Nous sommes le phare Finistère de la côte de Galice. Et merde. Changer de cap de 15 degrés sud pour éviter la collision. Et merde. Bien reçu, merci. Il vient de se passer quoi ? Je sais pas, mais c'est un truc en moi. Allez, on peut commencer cette deuxième émission. Salut tout le monde ! Bonjour ! Bienvenue dans ce deuxième numéro de la Geek Nation. Le deuxième épisode, c'est toujours le pire. Ou bien le meilleur, ça dépend. Vous savez ce qu'on dit, on a 20 ans pour écrire un premier album et seulement 3 semaines pour le deuxième. Et j'ai écrit ma chronique en 2 heures. Et c'est pas l'équipe qui dira le contraire, justement. Un numéro 2, c'est de la pression, des prises de tête et surtout du fun. Aujourd'hui, pour marquer le coup, cette émission sera placée sous le signe de l'e-sport. Et j'aurais peut-être compris quelque chose à ça d'ici 2 heures. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. En attendant, aujourd'hui avec moi, il y a du nouveau. Will est avec nous pour faire le point sur l'actu e-sport. Salut Will. Salut. Flo qui sera peut-être un peu paumé aujourd'hui, mais t'inquiète, moi aussi. Alors, ça va, toi ? Bien, et toi ? De quoi tu vas nous parler aujourd'hui ? De cinéma et de science-fiction. À côté de nous, l'excellent, l'extraordinaire, le magnifique, le trop qualifié Yann. Bonjour, Yann. Oui, c'est moi. Et Yann, toi, qu'est-ce que tu vas nous faire ? Mais je vais vous parler gaming ce mois-ci. Je vais vous parler de jeux vidéo au cinéma. Ok, bon, moi je vais vraiment être largué aujourd'hui, on est d'accord. Hein. Mais non, t'inquiète. Ciné, gaming, actu, la Geek Nation. Faut commencer à le savoir, la Geek Nation accueille tous les mois une victime, un invité. Alors, aujourd'hui, on accueille Encante. Salut. Salut, comment ça va ? Bah, ça va et toi ? C'est surtout toi l'invité aujourd'hui. Ah, ça va, super, super. Alors les gars, vous avez des questions à lui poser ? Moi, je propose que tu poses la première. Qui es-tu ? Ce sera une bonne première question. Présente-toi. Alors, je m'appelle Iliès. Mon pseudo, c'est Encanté et j'ai 17 ans. Et d'où vient ton pseudo ? Question qu'on se posait là avant que tu arrives. À qui tu l'as piqué ? Alors, je l'ai piqué à N'Golo Kanté. Ah oui, remarque, oui. C'est logique. Tu vois, à quel point j'ai une connaissance footballistique qui est poussée en plus du jeu vidéo. Hein, tu vois, je suis vraiment le mec qui n'y connaît rien aujourd'hui, en fait. Moi, ça, on va partir de là. Alors j'ai vu Kane N'Golo Kanté parce que c'est mon joueur préféré au football. Pour moi, c'est le joueur le plus humble et c'est le meilleur milieu de terrain au monde. Pour les gens comme Florian, tu peux rappeler qui c'est N'Golo Kanté ? Alors N'Golo Kanté, c'est le milieu de terrain de l'équipe de France et de Chelsea. Et il est champion du monde. Il a vraiment un très gros niveau, quoi. Oh, juste ça, ça va. On a un champion du monde aujourd'hui, un champion du monde de la bêtise dans l'émission. Je te flûte. Du coup, ça répond un peu à la question suivante qui était, tu fais quoi ? Un pseudo, du foot ? Alors je fais de l'e-foot en fait, c'est-à-dire de l'e-sport en fait. Est-ce que tu as une console et des jeux préférés ? Alors oui, j'ai la PlayStation 4 et comme jeu préféré, j'ai FIFA et Rocket League. C'est bizarre, un mec qui fait de l'e-sport et qui a comme jeu préféré FIFA. Des Rocket League surtout. Et Rocket League. Ou tu fais du foot avec une voiture. Exactement. un souvenir de gaming en particulier que tu voudrais nous raconter ? Alors, mon plus gros souvenir, c'est que je suis allé à Clairefontaine grâce à FIFA, en faisant justement plusieurs compétitions, et j'ai pu aller à Clairefontaine, justement. C'est classe. Qu'est-ce qu'il y a à Clairefontaine exactement ? À Clairefontaine, bah, c'est un grand château, il y a plein de consoles, il y a une table de ping-pong, des chambres. Mais c'est à qui tout ça ? C'est à la FFF justement. Waouh ! Donc la FFM s'occupe de l'e-sport. Oui, on peut dire ça, oui. Oh. Ça fait déjà un truc que j'aurais appris, tu vois. Ma question est beaucoup plus simple. Est-ce que tu as des craintes pour la suite de cette émission ? Non, pas spécialement. À part finir fou, peut-être. À quel point on en est, nous, donc... Bon, je vous propose de commencer bien. Oui. Je vous propose de faire un jeu. Oui, je suis chaud, vas-y. Je vous propose... Master of the Geek. Et le temps que je trouve mes feuilles, Florian, est-ce que tu peux... expliquer le principe ? C'est ça. Le Master of Geek, c'est 9 ou 10 questions, je ne sais plus, qui ont un rapport avec l'actualité geek. Et on va essayer d'avoir le plus de points possible en répondant bien aux questions, en gros. Oh, bien trouvé. Alors, la première question est une question gaming. C'est bon, je me casse. On commence par une date. La date de sortie de Half-Life Alyx. Ça commence tellement moi, bien. Je vais aller me commander une bière. Hein. Quelqu'un veut meubler pendant le blog ? Non, personne. Est-ce que quelqu'un dans la salle a la réponse à la question ? On va essayer le plus ou moins, alors. Donnez-moi alors, une date au cette hasard. Cette année, déjà. Bah oui, cette année, oui. Bah, j'en sais rien, ça aurait pu être l'année prochaine. Donc on a déjà l'année 2020. Août 2020. Plutôt. Juillet 2020. Beaucoup plus tôt. Mai 2020. Plutôt. Mars 2020. Oui. Le 21 mars 2020. Un peu plus tard. Le 23 mars 2020. Gagné. Allez, j'ai gagné une bière. Alix sort le 23 mars 2020. J'ai répondu à une question ciné, c'est un miracle. Non, gaming. Gaming, pardon, oui. Non, excusez-moi, moi, c'est mon domaine de prédilection jusqu'au bout, j'y coûterai. Maintenant, justement, j'ai une question ciné. Ah oui, on m'a appelé, pardon. C'était un pari. Combien de films avec Kirk Douglas pouvez-vous me citer ? Oh le salaud. 3 pour ma part. Pas plus ? Personne ? Les autres, je suis sûr, ils sont en train de demander c'est qui Kirk Douglas. Mais exactement. C'est qui lui ? Alors Kirk Douglas est un comédien américain qui est mort la semaine dernière à 103 ans. Alors dis-moi. C'est maintenant que je dois citer les noms. Bah oui. D'accord. Non mais j'attendais de voir, peut-être que les autres allaient réagir, je sais pas. Spartacus, réalisé par Stanley Kubrick, j'ai pas l'année mais voilà. Les Sentiers de la Gloire, toujours Stanley Kubrick. Et La vie passionnée de Vincent Van Gogh, de Vincenzo... Vincente Minnelli. Oh, j'y étais presque, il est prêt. Voilà, c'est les trois que je peux te citer. Bah, j'avais également Ulysse, 20 milieux sous les mers, Règlement de compte à Hockey Corral, Le phare du bout du monde ou Greedy par exemple. Donc du coup j'ai 2 points, les autres vous avez 0, je suis en train de vous niquer. Question d'actu. Qu'est-il arrivé la semaine dernière à Benjamin Griveaux ? Non, c'est bon. Je vais la laisser. Attends, je vais pas gagner tous les points. Si les autres répondent pas, je le dirai, mais je vais la laisser aux autres. C'est un cinéaste, c'est ça ? Il a fait une vidéo, non ? 10 ans plus. Hein ? C'est à moi ou lui ? Lui, c'est lui qui a parlé. Vous croyez que c'était une émission, on n'avait pas le droit d'aborder les... Tu peux le dire avec des mots chastes. Tu te débrouilles. Non, il est en train de boire, tant pis. Bon, je vais répondre à sa place. Benjamin Griveaux, je ne sais pas quel poste il utilise, n'importe quoi. Il est à quel poste il est placé, mais c'était un politicien français. Oui, il était candidat à la mairie de Paris. Voilà, c'est déjà pas mal. Et il s'est retrouvé au centre d'un scandale, alors qu'un artiste russe, un artiste activiste russe, a balancé une vidéo de lui sur Internet où on le voit dans les ébats sexuels, je crois. C'est oui, tout ce que solitaire, je sais. Mais oui. C'est tout ce que je sais. Mais c'est déjà pas si mal. Il a été victime de revenge porn. Allez, 3-0 Question gaming. Quelle somme Sony a-t-il payé pour s'offrir Insomniac Games, les développeurs de Spider-Man, Ratchet & Clank et Spyro ? Alors moi, faudrait me payer pour que j'aille voir Sony au cinéma. Et je te parle pas de Sony au cinéma. Insomniac Games, le studio de développement de Ratchet & Clank. Combien Sony a-t-il déboursé pour l'acheter ? Je dirais 2 millions. Ah, plus ? 15 millions. Beaucoup plus. 150 millions. Plus. Oh, sans déconner. Vas-y, Ilias. 300 millions. Moins. 200 millions. Un petit peu plus. Oh, le juste prix de malade. 215 millions. Un peu plus. 233. Presque. 234. Moins. 232. Moins. 231. Moins. On va y aller pendant une heure. Hein, comme ça. 229. Oui, 229 millions. Ouais. 4-0. Alors, Sony s'est offert Insomniac Games avec qui il travaillait depuis la PS1. 229 millions de dollars. C'est un chiffre qui est totalement c'est fou. C'est énorme. Question cinéma. Oui. C'est quoi le problème avec les Césars ? Alors, les Césars, ils sont au... Je crois que c'est l'Académie, en tout cas, des Césars. Ils ont tous démissionné d'un coup à 15 jours de la cérémonie. C'est pas ça ? Oui, pourquoi ? Je t'avoue que je sais pas pour le coup. J'ai entendu l'info qu'ils avaient tous démissionné d'un coup, mais je suis pas au courant de pourquoi. Ils ont tous démissionné pour deux raisons. La première, c'est le scandale Polanski. Ah oui, oui. Déjà, alors qu'il était nommé dans une trentaine de catégories, alors que bon, personne voulait lui remettre la moindre récompense. Et qu'ils se sont pris une tribune dans la tronche, disons qu'ils n'étaient ni très impartiales, ni très mixtes. Enfin, c'était très compliqué pour eux. Et la plupart des réalisateurs français voulaient les voir partir, dont Michel Hazanavicius. Un reproche fondé ou pas ? Plutôt, oui. C'était une... Bah, en fait, au final... Bonne question. L'Académie des Césars, c'est une bande de vieux entre 70 et 80 ans qui choisissent les films en sélection. Et c'est donc et tout le contraire mecs. Du public du For Gamer. Question numérique, a arrêté Netflix France. Une série ? Non. Est-ce que c'est une façon qu'ils ont de fonctionner spéciale ? Oui. Multipartage entre personnes ? Non. Ah, je ne saurais pas alors. Ils ont arrêté leur période d'essai gratuite de 1 mois. Ah oui. Ouais. Ah, j'ai Netflix en plus. Moi, vraiment, on s'en fiche. Hein. Moi, je vous conseille Lock and Key actuellement sur Netflix. C'est vachement bien. Bref, on s'en fout, je sais. Mais... Question série. Oui, j'arrive. Connaissez-vous Mythic Quest sur Apple TV+ ? On dirait un site de rencontre sur un site Mythic Quest. Alors moi, je dirais non. C'est bon, j'ai le point. On va dire que oui. Allez, 5 yes. pour moi, 1 pour Will. On va dire que vous saturez beaucoup dans les micros. Non. Bref, pourquoi je vous parle de cette série ? Mythic Quest, c'est la première série qui parle de développeurs de jeux vidéo. Donc, on va suivre l'équipe de développement d'un jeu. Et la sandbox, c'est-à-dire le faux jeu qui a été créé, a été intégralement développé par Ubisoft. Donc, il y a un vrai faux jeu dans la série. C'est bon, ça. Et la plupart des acteurs ont été coachés par les équipes d'Ubisoft. Donc, je voulais vous montrer une bande-annonce, vous faire écouter une bande-annonce en français, sauf que la série n'a toujours pas été doublée, vu que Apple TV Plus n'est toujours pas disponible en France. Vas-y, montre-la en VO, on va faire la traduction en direct. Question gaming. Quel problème Sony rencontre-t-il avec la PS5 ? Ils en ont pas qu'un seul à mon avis. Ah, puis en plus, j'ai regardé ce matin une vidéo qui parlait de la PS5. Alors qu'est-ce que ça va être ? Je sais qu'il y a une... Non, c'est pas ça. Il y a une différence de prix, mais non, je... Si, c'est une histoire de prix. C'est une histoire de prix. Alors je sais qu'il y a... Elle est trop chère ? Ouais, un peu de ça. Je sais qu'il va y avoir deux types de prix. Il y a deux prix qui vont être faits pour la sortie de la PS5. Je ne sais plus pourquoi, pour quelle raison, je ne m'en souviens plus, mais il y a 449 et 499. Et j'ai que ça comme info. Au moment où j'ai mis cette question, ils ne savaient toujours pas à quel prix ils allaient la vendre. Et ben voilà, vous avez l'info en exclusivité. Pour une raison extrêmement simple, c'est que la console en elle-même coûte $470 à produire. La question était d'attendre le prix qu'allait annoncer Microsoft pour sa console pour savoir s'ils allaient, oui ou non, la vendre à perte. Et la réponse est oui, pour le coup. S'ils allaient pouvoir l'aligner avec la prochaine Xbox, quoi. Bah déjà, s'ils pouvaient se permettre de la vendre à perte, ce qu'ils n'avaient pas fait pour la PS4. Flo, la question bonus, elle est pour toi. Qui a réalisé 20 milieux sous les mers avec Kirk Douglas et James Mason en 54 ? Oh, le salaud. La question technique. Alors, je vais meubler pendant que je vais aller sur Google. Non, Flo, t'as 30 secondes. Le mode d'avion, j'en ai aucune portable. Idée. Est-ce que c'est quelqu'un de connu ? Oui. Est-ce que tu peux pas au moins me donner c'est la première lettre de son nom de famille ? C'est tout ce que je te demande. F. Foutrement aucune idée. Je sais rien. Ah non, arrête tes conneries. Faut arriver. J'en sais rien. Non, vraiment, j'en sais rien. Enlève-moi ce chrono, je te tue. Merci. Richard Fleischer. Ça me dit rien comme ça. Réalisateur de Conan le Destructeur aussi. Ah, ok. Regardez Conan, c'est et bien. Je crois qu'il a un lien de parenté avec les frères Fleischer. Les mecs qui avaient fait les dessins animés Superman et Super Souris dans les années 30. Oula. Oui, non, mais attends. Déjà, j'ai largué les gens, moi, quand je parlais des trucs vieux, là. Oui, bah, c'est pour ça que c'est la question technique. Je sais bien. Et c'est bien la preuve que même j'ai répondu, je crois, à plus de questions sur le jeu vidéo que sur le ciné aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire... Tout ça pour lui donner des points en plus. Alors, on rappelle les scores. J'ai 6 points. Will en a 1. Ilias, malheureusement, n'en a pas. Et Yann, de toute façon, il avait les questions. Officiellement, tu es le Master of the Geek du mois. Yeah. On commencera par toi. Ouh. Le mois prochain. Si tu m'autorises à venir, on sait jamais. Allez, on se retrouve juste après ça. De retour dans la Geek Nation, je vais donc me lancer... Le point sur le game. Puisque c'est à moi de faire le point sur le game ce mois-ci, j'ai eu envie de revenir sur un sujet polémique, clivant, mais très drôle, vous allez voir. Et parfaitement dans l'air du temps, à l'occasion de la sortie de Sonic le film et du futur nouveau chef-d'œuvre de Paul Anderson, Monster Hunter, en septembre. On va parler de jeux vidéo au cinéma. Ouais, donc c'est bien ce que je disais. En plus de ne pas me filer les bonnes feuilles, tu me voles ma chronique. Tu me parles de cinéma à ma place, quoi. Mais non, t'inquiète, tu vas voir. Ouais, bon, bah j'espère. Bienvenue dans un monde de scénarios faméliques, de jeux d'acteurs approximatifs et de métal qui tâche. Oh yeah. On pourrait parler du maître du genre Uwebo et ses enfants difformes, dira-t-on, mais il faudrait une chronique entière pour contenir l'ego du bonhomme. Donc on va rester soft. Pas de Super Mario Bros, de Double Dragon ou de Sonic le film, histoire de garder votre santé mentale à un niveau acceptable jusqu'à la fin. Donc on va parler d'une certaine catégorie d'adaptation, celle qui marche au box-office, et pas qu'un peu, mais qui ne s'adresse ni aux cinéphiles, ni aux gamers, et pas non plus aux innocents enfants trompés par une communication putassier et fluo. C'est qui va voir ça du coup ? Ben moi. Ah d'accord, je comprends mieux certains trucs maintenant. Et on démarre avec du lourd. Salaud. Je m'appelle Alice. Je travaille pour Umbrella Corporation. Il y a eu un accident. Et... tout le monde est mort. J'ai reconnu, c'est Indiana Jones. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas restés morts. On va réouvrir le pipe. Monsieur, il y a quelque chose. L'infection se propage vitesse grand V. Scellez les portes. Mais nos hommes sont à l'intérieur. C'est un ordre. Nous sommes tous remplaçables. Alors on nous a remplacés. Oui, et j'aurais préféré qu'on remplace ce film. Je vous en impose pas plus aujourd'hui. On va commencer par parler de Resident Evil Apocalypse. Ou comment détruire les maigres espoirs qu'on pouvait avoir dans une licence après un premier épisode bidon mais acceptable tant il s'éloignait du canon. Là, c'est le contraire. On prend Resident Evil 3, Code Veronica et au passage New York 1997, et on chie, on continue sur les fans. Une fois que notre polo national a pondu son script, il décide cette fois-ci de ne pas réaliser le film et le confie aux mains expertes de Alexander Witt. Et c'est qui lui ? Réaction normale devant un réalisateur qui n'a réalisé qu'un seul et unique film à l'heure actuelle, et espérons-le vu le niveau, pour toujours. Bref, Monsieur Witt nous propose de suivre une bande de débiles profonds qui tentent de fuir la ville de Raccoon City comme ils peuvent, après ce qu'il semble être une sangria radioactive, menée par Jill Valentine, ou plutôt Sienna Killory en cosplay de Jill avec sa tenue de Resident Evil 3. Non. Valentine, c'est bien cessez cela. Le feu. Valentine. Ils sont infectés. Est-ce que quelqu'un veut bien éloigner ce monstre de moi? Je l'ai dit, il faut tirer dans la tête. S'il vous plaît, aidez-moi. Non, non, non, pitié, non. Je quitte cette ville, je vous conseille de faire pareil. Notre Breakfast Club, c'est le cas de le dire, tombe sur Alice, toujours incarnée par une Mila Jovovich pas encore botoxée, qui erre en ville en mode « Je suis le Terminator zombie et je vous montre à coups de moto envoyé dans une église et de trucs badass ». Ah oui, je vous ai dit que c'était des débiles profonds. Oh, plusieurs fois, je crois, ouais. Voilà la preuve. Parmi les membres du groupe, que nous oblige à suivre notre cher Alexander, un d'entre eux se fait mordre par un zombie. Alice, qui s'en aperçoit, a la lueur d'intelligence, la seule du film, de dire que ce serait mieux de le tuer. Oh putain ! Rangez ça ! Qu'est-ce que vous comptez faire? Il est blessé et l'infection se répand. Ça va. Il faut en finir maintenant. Ce sera plus difficile plus tard. Et vous le savez. Mais c'est sans compter sans Jill. Non. Si on doit en arriver là, je me chargerai de lui moi-même. Comme vous voulez. Et ce qui devait arriver, arriva. Bravo, Monsieur Witt, qui ne nous épargne ni Carlos Oliveira, ni le Némésis. Enfin, le tyran en mousse en polystyrène pour bien finir son charclage profond du matériel d'origine. Merci pour tout, Alexander Witt. Alors, moi, j'ai une petite question. Pourquoi tu répètes son nom comme ça depuis tout à l'heure ? Juste parce que j'arrive toujours pas à avaler qu'aujourd'hui le bonhomme est le réalisateur seconde équipe des James Bond avec Daniel Craig. Sérieux ? Anderson, quant à lui, n'en était pas à son coup d'essai. Il avait déjà posé les codes des adaptations foirées avec Mortal Kombat, qui, avec l'âge, le recul et le rire de notre cher cri-cri national. Le sort de la Terre va dépendre de vous. Pardon. N'était peut-être pas si mal au final. T'es en train de nous faire une attaque pour passer des trucs comme ça ou... Non, attends. Aujourd'hui, on a eu Mortal Kombat 2 avec un casting du fond du gouffre, Tekken et même King of Fighters. Sans parler de DOA avec Eric Roberts. Dans le genre pavage de route, le premier Mortal Kombat se pose là. Oh, on dit bien que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Hein. En parlant d'enfer, dans tout ce shitstorm, il y a tout de même un bon élève. Pas un métrage capable de faire passer le lac des morts vivants pour Laurence d'Arabie non plus, qu'on se comprenne bien. Mais ça vaut le détour. Cette perle, c'est Silent Hill de Christophe Gans. Chérie, quelquefois quand tu dors, tu marches. Et quelquefois tu parles d'un endroit. Je ne me souviens pas. C'est pour ça que nous allons y aller. Pour que tu puisses te souvenir. Christopher. Apparemment, Sharon a disparu. J'ai besoin que tu m'aides. Ça va pas. Je vais vous épargner la suite, mais c'est un grand film. Le film est à des années-lumière des adaptations de Resident Evil. Christophe Gans respecte à donf le matériel de base au point de demander à son équipe entière de jouer en profondeur aux 4 premiers jeux. En résulte un film respectant l'ambiance et la mise en scène des jeux, tout en adaptant correctement à sa manière la mythologie de base de la licence. On suit Rose à la recherche de sa fille Sharon, perdue dans Silent Hill, tandis que leur père part à leur secours. On découvre les secrets de la ville et la mystérieuse secte qui la contrôle. Et un film où Sean Bean ne meurt pas, c'est toujours à noter. Je pourrais passer mon temps à faire des éloges, mais ça serait oublier ses principaux défauts. Le côté quête du personnage très marqué jeu vidéo avec de la chasse aux items qui passe très mal au cinéma, et surtout, ça suit. Réalisé par un tâcheron sans âme, pompon, sans imagination, l'intrigue de Silent Hill 3, sans prendre une seconde en compte les changements apportés par Gans dans le premier film, cette suite est un étron encore plus fumant que Resident Evil Apocalypse, avec en prime un Kit Harington qui aurait mieux fait de rester sur HBO. Pour conclure, j'ai passé mon temps à taper sur Anderson, mais je dois avouer que j'aime vraiment, véritablement un de ses films, qui n'est pas une adaptation de jeu vidéo. Event Horizon, c'est débile, c'est gratuitement gore, mais le casting est fou, et il m'aurait visuellement plutôt marqué, c'est peu de le dire. Et bon, c'est lui qui a donné la première suite à Blade Runner. Voilà, c'est tout pour moi. Merci mon cher Yann, et nous allons tout de suite passer à la première pause musicale de cette émission avec le thème de Halo 2. De retour dans la Geek Nation. C'était, comme tu le disais tout à l'heure, le thème de Halo 2 version anniversary. Et je crois que c'est l'heure... Le décodeur. Will, c'est à toi. Rebonjour tout le monde et bienvenue dans ce décodeur. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'e-sport. L'e-sport, qu'est-ce que c'est ? D'après ma grand-mère, c'est une maladie qui rend les jeunes débiles. Bisous mamie. D'après Wikipédia, c'est un sport électronique qui désigne la pratique sur Internet ou en LAN party d'un jeu vidéo, seul ou en équipe, par le biais d'un ordinateur ou d'une console de jeux vidéo. Et comme j'ai bien préparé ma chronique, je vais vous laisser répondre à cette question. Pour vous, c'est quoi l'e-sport ? Non, de ce qu'a dit Will, pour moi, c'est exactement ça l'e-sport. Et je suis d'accord aussi avec sa grand-mère. Est-ce que c'est pas une passion qui vire un peu à l'extrême ? Bah pour moi d'abord, quand j'ai commencé à jouer justement à FIFA, pour moi c'était justement du loisir, je m'amusais et après ça commençait justement à être de la compétition et l'e-sport pour moi c'est vraiment maintenant que de la compétition et rien d'autre. À quel moment t'as senti que tu passais justement à la compétition ? À quel moment t'as senti que là ça changeait pour toi ? Alors j'ai commencé à faire des tournois pour le plaisir sur un site qui s'appelle Glory for Gamer, ouais. Où justement on fait des petits tournois pour gagner environ 2-5 euros par tournoi. J'ai commencé à en gagner, du coup je me suis dit pourquoi pas commencer la compétition justement sur FIFA. Et aujourd'hui, est-ce que tu t'amuses encore ou c'est vraiment professionnel ? Bah quand je joue contre mes amis, oui là c'est pour rire, mais quand je joue justement contre des gros joueurs, c'est vraiment que de la compétition. Et... Maintenant un peu d'histoire. Premier jeu vidéo, pardon, en 1952, première compétition, le Space Invader Tournament en 1980. Vous vous souvenez du film Pixel ? Ouais. Ça me dit vaguement quelque chose. C'était sorti il y a quelques années ce truc, non ? Pixel, c'est un film où des extraterrestres défient l'humanité sous forme de jeux vidéo d'arcade. C'est bien, on introduit la science-fiction déjà. Comme Pac-Man, Galaga, Donkey Kong ou encore Space Invader. Et ben, c'est cette époque-là. En 1990, il y a le World Championship de Nintendo. Et en 97, c'est l'année où est arrivé StarCraft et Counter-Strike, deux acteurs majeurs de l'e-sport. Le premier vrai tournoi de e-sport se déroule en juin 97 avec Quake, où le gagnant repart avec la Ferrari du développeur de Quake. Ah ouais, quand même quoi. Ah oh ouais. Genre le mec, il est reparti, ça y est, c'est ma bagnole, les clés à la main. Pour info, la Ferrari, vous avez pas de cadeau. La Ferrari aujourd'hui coûte entre 80 et 120 000 euros. Toujours en 97, en octobre, il y a la première organisation qui a vu le jour, la Cyberathlète Professional League. Mais il faut attendre vraiment 2010 pour voir l'e-sport exploser avec l'apparition de StarCraft 2 ou de League of Legends. Pour l'anecdote, la première compétition de League of Legends, c'était à la DreamHack en Suède, où ça se passait dans un hangar où les joueurs amenaient leur propre PC qui était posé sur des palettes. Moi, je faisais ça avec des potes aussi en plein milieu des monts du Pilat, là, c'est pareil. Voilà, donc ça a commencé en fait vraiment dans les monts du Pilat. Potes. Et quand on voit maintenant ce que c'est devenu, c'est complètement différent. En 2015, on a atteint le plus gros cash prize, c'est-à-dire la somme qui a été gagnée par des joueurs pour un tournoi international de Dota 2. Et la somme s'élève à 6 millions de dollars. Alors, est-ce que tu peux rappeler peut-être ce que c'est Dota 2 pour ceux qui ne savent pas ? Dota, c'est un MOBA, un jeu de stratégie qui ressemble à League of Legends, pour faire simple. En avril 2016, le Comité international olympique annonce reconnaître l'e-sport comme un sport à part entière. Mais bon, on reviendra sur le sujet après. En mai 2016, la France crée enfin un statut officiel pour les joueurs professionnels. Revenons sur le fait que l'e-sport soit devenu un sport à part entière. A votre avis, pourquoi l'e-sport est reconnu alors qu'il n'y a pas d'activité physique à proprement parler quand on est un pro-gamer ? Une idée ? Je vais peut-être dire une énorme connerie, mais ça changera pas d'habitude. Peut-être à cause de l'engouement que les gens prenaient à faire de l'e-sport et le fait qu'ils ont fait pression pour que ça soit reconnu comme un sport, non ? J'aime bien quand je parle tout seul, c'est génial. Il n'y a personne qui me répond. Sans doute, qu'est-ce qu'en pense notre invité ? Oui, franchement, je suis d'accord, mais après, ça fait quand même peu de temps que l'e-sport est reconnu comme un sport, mais après ça dépend des gens, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que l'e-sport c'est pas un sport, d'autres qui disent que justement l'e-sport c'est un sport, mais en fait je trouve que ça dépend vraiment certaines personnes de ce qu'elles pensent de ça. Ça c'est comme d'autres sujets auxquels sur lesquels on pourrait faire débat, mais on va pas faire ça aujourd'hui, de fait de est-ce que c'est reconnu ou pas en tant que tel et depuis combien de temps, etc. Oui. Encore des trucs qui sont reconnus depuis des années. Je vais essayer de vous apporter quelques éléments, avec par exemple le jeu StarCraft, où les compétitions s'enchaînent assez vite. Et du coup, les joueurs ont besoin d'avoir une hygiène de vie stricte. Il y a un entraînement régulier. Je regardais notamment un documentaire sur League of Legends, les origines, où on nous montrait une maison de gamers avec 8 heures de jeu par jour, une activité physique, des heures de coaching, donc des débriefs de match, de la strat. Tu confirmes ? Oui, je confirme. Après, sur FIFA, c'est pas 8 heures par jour, parce que justement... C'est 12 pas... Après, FIFA, c'est pas un jeu d'équipe, mais les jeux d'équipe, oui, il faut s'entraîner vraiment tous les jours. On n'est pas encore des Coréens en France. C'est raciste, ça. Non, réaliste. Et donc, je reviens à StarCraft. Et il y a quand même une dimension physique à StarCraft. Enfin, physique, si on peut dire. StarCraft, les joueurs sont capables d'effectuer 300 APM, actions par minute. Ça fait 5 actions par seconde. Une partie dure entre 15 et 20 minutes. Donc, si mes calculs sont bons, ça fait 6000 actions par partie. Ce qui est énorme. C'est-à-dire comme action Le fait d'appuyer soit sur un clic, une touche. 5 par seconde, purée. Ah, les tendinites qui doivent se choper. Ouais, et je suis sûr que même avec un entraînement, nous, on n'en est pas capable, quoi. Par contre, les tendinites, on en est capable. Ça, on te fait confiance, mais bon. Alors, la suite de la chronique, sinon. L'e-sport, c'est aussi considéré comme un sport, parce qu'il y a tout un tas de métiers qui gravitent autour des gamers. Donc, des informateurs, des entraîneurs, des managers, des sponsors, des commentateurs et des streamers. Donc, au même titre qu'un pilote automobile avec son équipe, finalement, le pro-gamer est un sportif. Oui, non, mais oui, moi je suis d'accord. Tu m'as convaincu. Et là, vous allez me dire, oui, mais l'e-sport, c'est un petit monde. Ce à quoi je vous réponds, pas de problème, on va parler chiffres. Oh oui, parle-nous chiffres, oui. On aime ça, donne-nous des chiffres. Donc, le chiffre d'affaires de l'e-sport en 2019 dépasse le milliard de dollars. Bordel. Oh là là, c'est incroyable. Le streaming, donc la diffusion de l'e-sport, représente aujourd'hui, sur un an, 46 milliards de dollars. Pourquoi autant? C'est simple. Le chiffre d'affaires de l'industrie du jeu vidéo, c'est 120 milliards de dollars, soit plus que le cinéma. Le cinéma qui est à 97 milliards de dollars. C'est pas étonnant, je trouve. Encore quelques chiffres. Si vous connaissez le jeu Fortnite, il y a un joueur connu qui s'appelle Vaguement. Ninja. Et donc ce joueur, en 2018... C'est un mec avec une mèche bleue ou des cheveux bleus, lui, c'est ça. Ouais, il a un katana aussi. Non, c'est autre chose. Ouais, un peu comme moi, entre la première et la deuxième émission de la Geek Nation. Et donc ce joueur pro a gagné en 2018 10 millions de dollars. Rien que ça. Putain. Oh là là. Enfin, ça laisse rêveur. Hein. Enfin, l'éditeur Epic Games de Fortnite a débloqué 120 millions de dollars pour des récompenses, donc en cash prize pour les tournois. C'est eux qui rémunèrent les joueurs. Un dernier chiffre assez incroyable aussi. Je vais vous parler des championnats du monde de League of Legends. Pour la finale de 2015, il y a été enregistré 360 millions d'heures passées à regarder les Worlds, qui équivaut à 41 000 années, ce qui est suffisamment long pour avoir 54 794 bébé, j'ai pas mis de virgule. Ou pour regarder la version longue de la trilogie du Seigneur des Anneaux, 32,73 millions de fois. Ou de faire l'aller-retour entre la Terre et la Lune, 4566 fois. C'est incroyable. C'est énorme. Bon, et je vais vous laisser avec une petite question. Aujourd'hui, l'e-sport, on a vu que ça brassait beaucoup d'argent. Est-ce que ça va pas changer ce monde-là? Je pense notamment, cette semaine, on a eu le premier cas de dopage dans l'e-sport. Et on a des équipes qui prennent même le nom des sponsors. Est-ce que ça va pas tout tuer, le fait d'avoir autant d'argent dans ce monde-là? Je vais faire une comparaison avec le monde du cinéma, mais ça va aller très vite, vous inquiétez pas. Je pense que c'est peut-être comme Netflix, ça apporte pas forcément le être en mal, mais ça va modifier la façon de fonctionner, peut-être, je pense. Ça, c'est mon avis. Après, les autres, n'hésitez pas à donner le vôtre. On se posait déjà cette question au début du XXe siècle, quand les équipes de foot devenaient professionnelles, quoi. C'était des clubs amateurs qui passaient en pro, et la question s'est posée. Le foot, aujourd'hui, c'est n'importe quoi, hein. C'est plus du pognon que du jeu. Donc, est-ce qu'on va vers là aussi, mais bon. Après, moi, je tiens à dire qu'en France, je trouve que l'e-sport, il n'est pas assez développé. Parce que, par exemple, on sait qu'en France, il y a Vitality comme équipe professionnelle, et d'en avoir peut-être 3 ou 4 qui sont professionnels, mais il n'y en a pas tant que ça. Donc je pense qu'en France, l'e-sport, il n'est pas encore assez développé. Mais j'ai peur qu'il soit trop développé dans les autres pays. Justement que, voilà, il y a du dopage dans d'autres pays, vu qu'ils sont plus en avance. Et que la concurrence soit plus rude, du coup. C'est ça, exactement. Après, il ne faut pas être naïf. Si on remplit des jolis stades et qu'il y a des événements énormes qui s'organisent, c'est aussi grâce à cet argent-là. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. C'est ça. Donc la solution est où, en fait? Moi, je pose juste une question. Apporte-nous des solutions. Vous avez les chiffres, monsieur. Engagez-vous. Votez Will. Et c'est la fin de ma chronique. Merci, Will. Merci, Will. Eh ben, je vais me retourner vers notre invité pour reprendre notre interview qu'on a si bien et vaillamment commencé tout à l'heure. Est-ce que tu peux, on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, est-ce que tu peux nous résumer un peu ton parcours jusqu'à présent? Alors, j'ai commencé la compétition l'année dernière parce que les compétitions sur FIFA, ça à partir de 16 ans, justement. Alors, l'année dernière, mon premier tournoi, justement, j'ai pu me faire en quelque sorte un petit nom. C'est à la Occitanie Sport à Montpellier. Donc, c'est une LAN qui se déroule à Montpellier sur tous les jeux. Fortnite, FIFA, League of Legends, etc. Et j'ai pu arriver deuxième, où j'ai perdu en finale contre un joueur pro. Et j'ai pu gagner 450 euros, ce qui est pour moi une très belle somme pour un premier tournoi. Et cette année, j'ai continué la compétition. Et j'ai justement fait un tournoi dans ma région, donc c'est-à-dire la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes, où j'ai pu gagner mon tournoi. Et du coup, je suis allé à Paris, justement, pour affronter les meilleurs de chaque région. Et j'ai j'ai justement aussi gagné le tournoi. Du coup, j'ai pu aller à Clairefontaine et j'ai pu affronter les 15 meilleurs joueurs français sur FIFA. Voilà, pour ceux qui nous écoutent, on a un mec stylé à côté de nous. Aujourd'hui, quelle est l'importance de FIFA sur la scène e-sport ? Bah pour moi, FIFA, c'est pas assez reconnu. C'est-à-dire que c'est un jeu, pour moi, c'est un bon jeu, mais c'est pas reconnu comme justement League of Legends, Fortnite. Justement, dans les plus gros tournois, il y a des grosses sommes. Comme tu as dit, il y avait des millions de dollars, des millions d'heures, etc. Alors justement, sur FIFA, il n'y a pas de gros tournois. Justement, il y a des grosses sommes comme cela. Donc finalement, ça reste quand même accessible pour l'instant. Oui, pour l'instant, oui. Moi, j'y connais rien à ce genre de jeu. Quelle est la différence avec PES ? Alors en fait, FIFA, justement, il y a plus de tournois et de concurrents sur FIFA que sur PES. Sur PES, il y a moins de monde. Et après, le jeu est totalement différent. C'est-à-dire que la maniabilité, la jouabilité, elle n'est pas la même sur FIFA que sur PES, justement. Alors moi, c'est un truc qui m'a impressionné quand on en parlait avec Yann, quand on savait que tu allais venir. C'est qu'il y a une équipe de France d'e-sport, c'est un domaine dans lequel j'y connais absolument rien. Moi. Et comment on fait pour rejoindre cette équipe de France ? Alors, justement, l'équipe de France eFoot, elle a été créée en 2017 par le créateur de Vitality, donc Fabien Néo De Vide. Et il l'a créée justement pour faire les championnats du monde de FIFA, justement. Et justement, ils ont gagné l'année dernière, en 2019, la eNations Cup, donc c'est-à-dire la Coupe du Monde sur FIFA. Et du coup, ils ont voulu continuer à justement cette équipe de France. Donc, ils présélectionnent justement 16 joueurs et le sélectionneur Brian en choisit 6 pour participer justement à la Coupe du Monde qui va se dérouler à Londres cette année. Oh, cool. Quand ça à peu près ? Mi-mai. Et ça fait des grosses différences avec les autres équipes d'e-sport ? Il y a des grosses différences de fonctionnement ou c'est à peu près toutes les équipes d'e-sport ont la même façon de fonctionner ? Le sélectionneur Brian est justement un joueur Vitality sur FIFA. D'accord. Et il m'a expliqué que l'équipe de France est justement Vitality. Ça avait justement rien à voir par rapport au recrutement, à la jouabilité, etc. Est-ce que tu sais combien il y a d'équipes d'e-sport en France ou pas ? Est-ce que c'est professionnel ? Ouais. Là, comme ça, non, mais je dirais que oui, professionnel, je pense 5, pas plus. Et dans le monde, ça fonctionne comment ? Combien il y a d'équipes ? C'est quoi les équipes les plus célèbres à FIFA dans le monde ? Sur FIFA ou sur tous les jeux ? Sur FIFA. Sur FIFA. Alors, en France, la plus connue, c'est Vitality, mais pour moi, la meilleure, c'est Fnatic, parce qu'ils ont recruté le meilleur joueur du monde sur FIFA qui s'appelle Tex, qui a justement gagné plusieurs FUT Champions Cup, donc c'est de très gros tournois. Mais après, moi, oui, bien sûr, je rêverais de rejoindre Vitality, vu que c'est la meilleure équipe française, ce sera incroyable. On fait un appel. Et puisque j'y comprends toujours rien, ça fonctionne. Tu mets pas du tien aussi, là, sérieux. Ouais, bon. Hey. Comment ça fonctionne un tournoi ? C'est quoi les règles ? Et en quoi c'est différent de jouer à FIFA dans son salon ? Après, jouer dans son salon et jouer à côté de la personne, moi je trouve que c'est totalement différent. Parce que j'ai pu faire quelques LAN. Et jouer chez soi, c'est totalement différent. Parce que justement, t'es tout seul, tu parles à personne, t'es avec ton casque justement, et t'es un peu dans ta bulle. Alors que justement, quand t'es à côté de la personne, tu peux discuter, tu peux en parler justement après le match, avant le match, parler de FIFA, faire des connaissances, faire même des amis. Moi je trouve qu'il y a vraiment une grosse différence entre les deux. Et au niveau des règles, il y a des choses spéciales ? Alors, comme j'ai pu assister à Clairefontaine, j'ai pu voir qu'il y avait des arbitres, en fait, qu'on faisait nos matchs. Justement, on n'avait pas le droit d'insulter, de dire des gros mots, de s'énerver. Il y en avait même qui tapaient sur la table, ils se prenaient un avertissement, voire même des cartons aussi, ce qui est possible. Et moi, j'y pensais pas du tout. À un moment, ça m'est arrivé de dire un gros mot. Et l'arbitre, justement, m'a dit, si tu en redis, bah, tu seras pénalisé, etc. Du coup, après, je me suis arrêté. Tant que tu te lèves pas et que tu vas pas tacler l'adversaire, c'est bon. Ils sont même capables de ramener des brancards là et tout. Quand justement il y a du monde autour de soi, qu'est-ce qu'on ressent sur place ? Moi quand je suis arrivé à Clairefontaine, je ressentais beaucoup de pression, de stress, parce que c'est les joueurs que je regardais quand j'étais petit sur mon téléphone. Et quand je les ai vus en vrai, ça m'a fait vraiment bizarre. Et ils sont venus me parler, ils ont été hyper sympas. Voilà, c'était super cool comme expérience. Ah, c'est cool. Et alors, qu'est-ce qu'on peut, quand on participe à ces tournois, qu'est-ce qu'on peut gagner comme lot ? Est-ce que tu as déjà gagné des... Je crois que tout à l'heure, tu as dit que le premier tournoi que tu avais gagné important, c'était 450€. C'est ça. Et est-ce que là, au niveau Clairefontaine, par exemple, qu'est-ce qu'on peut gagner comme chose, au final ? Ce que je pouvais gagner, c'était de faire partie de l'équipe de France d'eFoot. Ce qui est déjà pas mal. Et pourquoi pas faire la Coupe du Monde, mais malheureusement, j'ai pas été pris. Ce qui est normal en même temps, parce que j'ai joué les meilleurs joueurs du monde. C'est tant pis pour eux parce que t'as l'air super sympa. Payot. Pas du tout. Non, tu l'as dit, participer à d'autres lignes, ça a l'air cool. Voilà. J'ai essayé de parler, j'ai essayé de rajouter un truc, je sais pas trop pourquoi. Mais ça a l'air vachement bien. C'est super cool comme expérience en tout cas. Merci Florian d'avoir tenté quelque chose. Mais de rien. Merci Yann Kanté d'avoir répondu à cette deuxième partie d'interview. Mais je crois que maintenant. Des coups, des larmes et du sang. C'est l'heure du débat. C'est l'heure du débat, comme le dit si bien notre jingle. Je suis pour. Ah non, c'est quoi le sujet, pardon? Le sujet du mois, c'est... Est-ce que le numérique est un avenir viable pour l'industrie culturelle? Je définis un peu mieux. Est-ce que les c'est bien de définir mieux, là. C'est bien. Est-ce que les services de VOD et est-ce que le dématérialisé dans le jeu vidéo est un avenir qui vous semble correct ou pas pour l'avenir, quoi? Alors, je vais prendre la parole, parce que je suis un peu depuis tout à l'heure. Je parle beaucoup trop. Je dirais oui et non. Alors, ça fait un peu rédaction de collège ou de lycée, dit comme ça, mais... Je dirais que oui, ça peut être un avenir correct parce qu'il y a plein de choses qui ont été permises grâce au dématérialisé, des séries ou des films qui n'auraient jamais pu voir le jour dans des salles de cinéma. Mais je pense que c'est comme tout, quoi. Ça fait un peu phrase de vieux dit comme ça, mais si on en abuse, ça peut vite virer du côté obscur de la force. Voilà. Donc pour Florian, c'était mieux avant. Non, je dis qu'il y a du bien et du moins bien. Tu ne pourras jamais remplacer, par exemple, la sensation pour moi d'être dans une salle de cinéma et de découvrir un film sur grand écran. Ça fait vraiment quelque chose d'autre. Et parfois, pour l'avoir vécu aussi avec des conditions particulières, je ne parle pas de la 4DX ou des trucs comme ça, mais par exemple, ça m'est arrivé de voir un film, et je sais qu'il y a une personne autour de la table, en l'occurrence toi, mon cher Yann, qui était avec moi, de voir un film en odorama. Oui. Un film de... Alors, je ne vais pas vous faire l'explication, mais un film de John Waters, un cinéaste américain reconnu pour aller dans le trash, qui a maté un film, je ne sais plus le titre, je vais essayer de le retrouver, mais en odorama. C'est-à-dire que les odeurs qui étaient présentes dans le film nous étaient diffusées en même temps dans la salle. Et autant vous dire qu'on n'avait pas que des odeurs de rose. Voilà. Non, bah ça, alors ça a l'air dégueulasse dit comme ça, mais c'est une expérience à vivre. Il y a des trucs dématérialisés comme ça, tu peux pas le vivre. Oui, mais préfères-tu payer ton abonnement tous les mois à Netflix ou acheter le coffret intégral de Penny Dreadful? Alors, le coffret intégral de Penny Dreadful, on me l'a quasiment offert, donc je peux pas témoigner comme ça là-dessus. C'est un exemple. Oui, mais j'avais compris l'idée, t'inquiète. Il y a beaucoup d'avantages, effectivement, à ce niveau-là. Sur ce point-là, allez, je vais trancher parce que j'ai l'air de réfléchir pour rien, mais sur ce point-là, ouais, je préfère effectivement payer mon abonnement Netflix parce que ça a beaucoup d'avantages. Ça prend moins de place, c'est plus simple, tu peux trouver peut-être plus de choses plus facilement. Mais après, voilà, le fait d'avoir. Hein, je commence à être un vieux, je suis peut-être le plus vieux autour de la table, là, si je dis pas de conneries. Donc, le fait d'avoir le matériel en soi. Dans la main, c'est autre chose, quoi, quand même, je trouve. Ça fait vieux con comme phrase, hein, je l'avais dit. Les autres ? Ah, moi, je suis d'accord aussi. Je pense que c'est mieux d'avoir l'abonnement Netflix tous les mois. Parce que justement, il y a, comme il l'a dit, voilà, tu peux avoir plus de, comment dire, plus de séries, plus de films, plus de catégories. Plus de merde aussi. Voilà, ah bah ça. Plus de choses, justement. Il y a plein de goûts différents, justement, sur Netflix. On peut choisir, justement, ce qu'on veut. Donc, je trouve que c'est mieux. En plus, il n'y a pas de pub, ce qui est déjà positif. Ce qui est quand même le cas sur d'autres services de VOD. Donc... Oui, c'est vrai. Sur Amazon Prime, à chaque fois que tu finis un épisode, qu'est-ce qui se passe? Oh, une pub! Mais t'as pas c'est ça vrai. Sur Netflix, pour le coup. Donc moi, je trouve ça vraiment positif. On pourrait critiquer Netflix. Hein. Voilà, je change de nom. Hein. On pourrait critiquer Netflix sur d'autres trucs. Je crois que c'est pas un de ceux qui payent pas leurs impôts en France ou un truc comme ça. Enfin, y a pas une connerie comme ça, non? Parce que je sais qu'ils avaient été critiqués pour un truc comme ça. Révise ta loi sur le RGPD. Écoute, hein, moi, le RGPD... Sur les GAFA. Est-ce que tu peux définir ce que c'est, tiens, du coup, voilà. C'est quoi, les GAFAM ? Ouais, vas-y. Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Oh, bien. Il connaît son sujet mieux que moi. Non, bref, voilà, on pourrait critiquer Netflix pour plein de trucs aussi, mais c'est vrai que c'est quand même un gros avantage maintenant dans le cadre de l'industrie culturelle, je trouve. Will ? Moi, je vais voir plutôt le côté gamer de la chose, puisque je vais parler du Netflix des jeux vidéo. Putain, merde, il a écrit une deuxième chronique. Non, j'ai une connaissance qui travaille chez Shadow. Oh. Et Shadow, c'est de la location de jeux vidéo, finalement, où on n'a plus besoin d'avoir un ordinateur puissant pour les faire tourner. Ouais, en streaming, quoi. Donc, par exemple, moi, je regardais, pour changer ma carte graphique l'autre jour, une RTX 2070 Ti, c'est 1 300 €. Soit le prix de mon ordinateur. Donc autant m'abonner à 14 € par mois pour avoir ce service-là et avoir l'ordi que je veux à côté. Je n'ai même plus besoin d'avoir un fixe. Je peux me promener avec mon portable et jouer où je veux finalement. Il suffit d'avoir une bonne connexion. Puis le domaine des jeux vidéo, quand tu fais du dématérialisé, ils font des pubs flippantes à la télé après. Stadia. Voilà, tous ceux qui ont vu cette pub avec Stadia. La tête du mec à la fin de la pub, c'est flippant, je trouve. Stadia, c'est toute une symphonie, finalement. Hein. Parce qu'ils annonçaient le truc en grande pompe en disant on va révolutionner le genre, et au final, il y a 5 pauvres jeux qui tournent pas en 60 FPS et qui sont des versions console portées. D'ailleurs, j'ai une super anecdote sur Shadow. Vas-y. Quand ils ont développé le projet, ils sont allés voir les équipes d'e-sport pour savoir quels étaient leurs besoins. Et donc, cette personne-là est allée dans une maison gamer en France pour voir comment elle fonctionnait. Et il a compris pourquoi on n'était pas sur le devant de la compétition mondiale. Donc, dans la maison, il y avait de l'herbe, des filles. Et puis, le manager est arrivé et il leur a fait ranger tout le bordel. Quoi. Oh, dommage. Pardon. Ouais, quand même, ça casse le mythe. Putain, ouais, quand même. Non, on a une belle présentation d'Ignace, ça va, mais là, on a des putes de la coke. Et... ça promet. Bonjour, bienvenue dans la Geek Nation. Sinon, ça va vous de l'autre côté. Non, je vais continuer sur un autre truc, moi. Toujours dans le domaine du jeu vidéo. Tiens, pour une fois, je vais arrêter de parler de cinéma, moi. Non, je pense que ça peut aussi avoir un gros avantage. Je pense à quelqu'un qui est très connu sur le net, le joueur du grenier. Qui ne connaît pas le joueur du grenier qui parle beaucoup des fois. Comment dire? Je vais arriver à trouver le terme technique, hein, je reviens, 30 secondes. Voilà, du fait d'avoir la cartouche dans la main et tout, c'est vrai que c'était une autre sensation peut-être. C'est vrai, c'est une époque que j'ai pas connue, ça, les grosses cartouches de jeux vidéo, les gros trucs. Mon pauvre. Comme ça. Et j'ai eu une Nintendo 64, moi, la première console. Il y avait des cartouches ? Oui, bah, elles étaient moins grosses que certaines autres consoles que tu pouvais avoir avant, je pense. Ça me donne cette impression en tout cas, même si j'en ai jamais eu entre les mains. Et je pense pareil, que côté jeux vidéo comme côté ciné ou série, comme je disais avant. C'était une autre chose, peut-être, ouais, d'avoir le jeu en main. Enfin, c'était une autre sensation. Tu pourrais comparer ça avec plein de choses, plein d'autres sujets. C'était, c'était peut-être mieux à l'époque. Oui, une voilà. Liseuse et un livre, voilà, par exemple. Moi, je déteste lire sur une liseuse. Moi, pareil, j'ai horreur de ça. Je ne suis pas un très gros lecteur, mais ouais, je préfère avoir un bouquin en main. Je veux dire, c'est encore une phrase de vieux, pareil. Mais que quand tu ouvres un bouquin et que tu as l'odeur du bouquin neuf, non, c'est quelque chose. Quand tu as l'odeur de la liseuse qui crame, c'est autre chose. Quoi. Non, mais ça, c'est surtout que la stratégie marketing au départ sur les liseuses a été totalement foirée. Parce que quand on y réfléchit bien, des services comme Stadia, Steam ou Netflix, on n'en a pas besoin. Ou il faudrait une liseuse en odorama. Mais on nous a... mais on nous a finalement un peu imposé le truc, parce que la com a bien fait les choses, mais ça ne s'est jamais passé avec les liseuses. Je ne sais pas qui a lancé la première liseuse, je ne sais pas si c'est Amazon avec ses Kindle ou d'autres, mais ils ont, la stratégie marketing n'a jamais marché sur le grand public. Au final, non, mais c'est ouais, c'est non, les liseuses, je ne suis pas pour. Voilà, autant Netflix, ça me dérange pas, mais les liseuses, je ne suis pas pour. Ouais, je suis d'accord. Enfin, ouais, sur une liseuse, tu peux avoir une bibliothèque entière, mais c'est exactement le même argument de ce que Steam ou Netflix. Mais... Ben, vu la déco de la table, la bibliothèque, tu peux te la foutre dans ton TARDIS. Voilà, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un TARDIS, attendez ma chronique. Voilà, merci. Bon, je pense que c'est sur ces mots qu'on va pouvoir lancer la pause musicale. Ouais, numéro 2. De retour dans la Geek Nation, c'était une chanson tirée de la BO de Far Cry 3. Il s'appelle Dragon Sound. Ça c'est le nom de l'artiste. Et le nom de la chanson, c'est Friends. Elle est également tirée du film Miami Connection, que je vous conseille, vu que c'est l'un des plus gros nanars que j'ai jamais vu. Oh. Pire que Devil's Story. Là, c'est une histoire de groupe de rock qui font des arts martiaux et qui affrontent des ninjas trafiquants de drogue. Ça a l'air génial. Est-ce qu'il y a des nazis ? Non. Oh, mais non, c'est pas intéressant. Il y a des ninjas trafiquants de drogue. Ouais, non, ça suffit, c'est bon, je vous. C'était Dragon Sound. Après les geisha robots. C'était avant les geisha robots. Est-ce que vous êtes prêts ? Non, alors moi, oui. Pas du tout, parce que je sais ce qu'on va faire maintenant et ça me fait flipper. C'est l'heure de l'ABC Geek. Eh oui. C'est l'heure de l'ABC Geek. Est-ce que vous vous souvenez des règles de l'ABC Geek ou pas ? Moi oui, mais comme tu expliques très bien les choses, je vais te laisser les dire. Merci. Donc, 26 questions. Chaque réponse est dans l'ordre alphabétique. Exemple, la réponse à la première question commence par un A, la seconde par un B, et ainsi de suite. Si vous ne savez pas, vous passez. Ilias, à partir de maintenant, en général, on n'écoute plus les règles, parce que la dernière fois, je te propose qu'on fasse la recette de la raclette maintenant. Non, vas-y, pardon, excuse-moi. On démarre ? Oui, vas-y. Alors, pour relancer le truc bien anxiogène, vous aurez... ça dans les oreilles. Le chrono tourne en boucle. Hein. Oui, vas-y, allez, on est chaud, vas-y. Fais les questions. Première question, en A, un film spatialement Willis. Un quoi ? Un film spatialement Willis. Armageddon. Joli, extrait. La vie est courte. Je t'aime. L'amour est éternel. Veux-tu être ma femme ? C'est qu'elle est devenue bonne, la petite Gracie. C'est de ma fille que tu parles là, d'accord ? Mais personne ne sait ce que réserve le destin. Jusqu'à ce qu'il frappe. C'est une pluie de météorites. Et le fragment... C'est le pire film du monde. Oh Marie, t'es là, salut. Oui, alors pour ceux qui ont suivi la première émission de la Geek Nation, si vous vous souvenez de Marie qui avait gagné le lot sur l'ABC Geek, elle est à nouveau là. C'est notre soutien officiel sur toutes les émissions de la Geek Nation. Merci Marie. Surtout après cet extrait magnifique de la bande-annonce d'Armageddon. On t'expliquera Marie, t'inquiète pas. On reprend ? Allez. En B, il était inséparable de Kazooie. Banjo. En C, Code Lyoko. Joli. Oh. En D, même 20 milieux sous les mers, Spartacus sera toujours sur les sentiers de la gloire. D, la réponse D. Je suis d'accord avec lui. Douglas, pour Kirk Douglas. Ah merde, oui, putain, je suis con. Patrick Stewart et William Shatner ont été le capitaine. Enterprise. F, une série de Matt Groening. Futurama. G. Gong. Je valide. C'est ça la question ou pas dans la base ? En H. Je tiens à préciser qu'il ne maîtrise plus son émission Halloween. En I, la 11e génération séduit toujours les fans. J'en sais rien. iPhone. Ah oui. En J, Hitler et son ami. Jojo Rabbit. Joseph Staline. Joli, je garde les deux. T'as quelle la bonne réponse ? C'était Jojo Rabbit. En K. Alors attends, je m'arrête juste là-dessus. J'avais dit à la dernière émission que j'irais voir Jojo Rabbit, je ne l'ai pas fait. Je sais que toi tu l'as vu, est-ce que tu peux en toucher deux mots ? C'est une merveille ce film. Voilà. Est-ce qu'on peut continuer maintenant parce qu'il sait faire des trucs concis ? En K. En K. En K, la vengeance est un plat qui se mange sans sauce. Kaamelott, c'est dans la phrase en de la L, il a été oublié aux Oscars en 2020. Le chien. Luc Perry. Ah merde, oui. Luc Perry est mort en 2019 et il a été oublié de la séquence In Memoriam des Oscars en 2020. Oh les salauds. Comme quoi, il n'y a pas que les Césars qui font de la merde. Revoyez le début de l'émission. Quoi. En M, Netflix et Apple veulent se tailler la part du lion. Je savais que ça allait foirer. Je savais que cette question vous allait... Que quoi ? Attends, Netflix et Apple ? Oui. Qu'est-ce qu'ils veulent faire tous les deux comme conneries encore ? Ils veulent racheter un truc et il y a un indice dans la part du lion. Qu'est-ce qui nous a sorti ? Ah, vous l'entendez peut-être pas, Marie essaye de nous donner des réponses. Il n'y a que toi qui peux savoir. Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? T'as pas vu les infos ? Non, j'ai plus de télé. Netflix et Apple veulent racheter la MGM. Oh, sérieux ? La MGM, pour ceux qui ne savent pas, c'est un gros studio de cinéma, entre autres, hein, aux États-Unis. Oui. Genre, si vous connaissez Universal Pictures, des trucs comme ça, il y a la MGM aussi avec. Oh, et putain. Ça veut dire quoi, MGM ? Metro Goldwyn Mayer. C'est le nom des créateurs. D'accord, ok. Voilà. Ensuite. En N, son pas fut petit, mais géant pour les autres. Neil Armstrong. En O, elle veut bien un doigt avant son whisky. Othilde de Rey. Oh, voilà. Ah. Juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord ? En P, donc Camillo n'est pas son ami. Ah merde, le papé, non ? Pépone. Ah oh, oui, c'est le papé Pépone. En cul, sans lui, James Bond serait démuni. Q, en fait. Q, oui. D'autres questions à la con. En R, il est Iron Man. Robert Don Johnson. Robert Downey Jr., c'est pas grave, c'est presque ça. On avait le début. C'est ça, oui. On a le bon mot. En S. Star Wars. En T, un film de rêve pour Schwarzy. Terminator. Je prends, mais c'était Total Recall. Ah oui, aussi. En U, un FPS multijoueur légendaire. Unreal Tournament. Oui. En V, le quatrième Resident Evil. Véronica. Ouais. En W, Blizzard en a remboursé tous les malheureux joueurs. Warcraft. Joli. En X, jeté sur le micro. La créature d'Alien. le Xenomorph. En Y, un moteur de recherche survivant à Google. Yahoo. Et en Z, un jeu de Kojima. Je sais pas. Zone of Ender. Zone of Ender. Écrit ça en combien de mots ? En 4. D'accord, ok, non, je connais pas. Monsieur n'a pas fait que Metal Gear Solid. Non, mais ok. C'était des jeux de méca sortis à l'époque sur PS2 et remasterisés sur PS3 aussi. Et le premier est célèbre parce qu'il contenait la démo de Metal Gear Solid 2 avant sa sortie. Donc personne n'a gagné cet ABC Geek. C'était beaucoup moins. J'ai pas de points. Bon, moi je suis désolé, je pense que c'est quand même Will qui a le plus de points là-dessus. Hein, est-ce que tu peux arrêter ce micro, ce chrono, pardon. Non, je pense qu'on va finir l'émission avec. Ah. Mais non, je rigole. Allez, je suis pas comme ça. On va reprendre notre interview, je crois. Ouais. Dernière partie de l'interview. Pourquoi je prends un accent comme ça, je ne sais rien. Tu me fais peur, Flo. Pour la peine, c'est toi qui vas poser la première question. D'accord. Est-ce que, Ilias, est-ce que tu as des projets au niveau de l'e-sport ? Est-ce que tu l'as dit tout à l'heure, tu souhaitais peut-être rejoindre Vitalis, si je dis bien le nom, si j'ai bien retenu. Est-ce Vitality. Que tu as... Vitality. Vitality. Vitalis, oui, non, ça c'est pas méchant dans les 4 Fantastiques, un truc comme ça. Je sais pas. Le docteur Fatalis. Ouais, bon, ça va, j'avais le rime. Sur toute la ligne, tu t'es gouré, c'est magique. Bon, bref, bon, je vais poser une vraie question au bout d'un moment. Est-ce que tu as d'autres projets à part ceux que tu nous as déjà cités dans l'émission au niveau de l'e-sport ? Comme projet, bah, j'aimerais devenir joueur professionnel. Donc ça, c'est voilà, mon premier projet. Et mon deuxième projet, ce serait surtout d'avoir le bac, parce que pour l'instant, je ne l'ai pas. T'es en bac quoi, par curiosité ? ST2S, donc sanitaire et social. Ok. C'est donc cool, en ouais. Terminale, et j'espère avoir le bac à la fin de l'année. Quoi. Ça va, ça se passe bien sinon ? Ouais, ça se passe, hein, j'ai ouais. La moyenne. Donc... Et la réforme, bon, ça va ? est-ce que Yann et Will, vous pouvez foutre le camp, je suis en train de discuter avec l'invité. Alors sinon, ça va. Bon, bah, on te souhaite d'avoir le bac, en tout cas, on te souhaite de réaliser merci tes beaucoup. Rêves. Écoute. Merci beaucoup. Et où est-ce qu'on peut te retrouver, si ce n'est au For Gamer, à boire des canons ? Alors, où est-ce qu'on peut me retrouver ? Bah, je fais environ 2-3 LAN par an. Donc, j'en fais une souvent à Poitiers avec tout le For Gamer. Donc, on va justement à la Gamers Assembly à Poitiers. Donc, on peut me retrouver à Poitiers ainsi que à Orléans. Donc, je vais faire aussi LAN à Orléans. Ouais, et est-ce que tu streams ? Oui, je stream donc sur ma chaîne Twitch, donc Nkanté. Donc, ça s'écrit donc Nkanté hein, avec 2 E. Et justement, je stream les week-ends justement pour faire mon Fut Champions. Donc c'est-à-dire 30 matchs sur FIFA pendant le week-end. Ah, vas-y, t'inquiète frère, on va faire péter le nombre d'abonnés. Flo, fais pas le malin. La dernière question est là pour faire transition avec ta chronique. Alors, je sais bien, justement, est-ce t'inquiète. Que tu as un dernier mot ? Est-ce que tu as un dernier mot à nous dire ? Quelque chose, n'importe quoi ? N'importe quoi, choisis le premier mot qui te vient à l'esprit. Ouais, je t'explique en un seul mot, parce que je t'explique le délire de Yann, il faut que ce soit moi qui fasse la transition avec ma chronique. Donc vas-y, lâche-toi. D'accord, bah, comme mot radio. Maintenant, c'est ma chronique. Et si on se faisait une toile ? C'est moi qui invente mes propres transitions maintenant, bref. Selon le site internet larousse.fr, il s'agit d'un genre littéraire et cinématographique qui invente des mondes, des sociétés et des êtres situés dans des espaces-temps fictifs, souvent futurs, impliquant des sciences, des technologies et des situations radicalement différentes. Science-fiction ! Selon le site l'internaute.fr, c'est un style d'écriture où les faits se basent sur une réalité scientifique à venir ou censée l'être. Et selon mes parents, comme quoi il n'y a pas que moi qui rend hommage à ma famille, hein, et selon mes parents, que je salue au passage s'ils écoutent cette chronique... Putain, il reprend mes vannes. Quel moment vous vous êtes dit que ce serait bien tous les deux de citer le dictionnaire en intro. Bref, selon mes parents, c'est sans doute juste des extraterrestres dans des soucoupes volantes qui se tirent dessus avec des rayons laser. Oui, mesdames, messieurs, transgenres, sans genre et mauvais genre, voilà pour la dédicace, je veux bien entendu parler de la science-fiction, comme l'a dit Yann. La science-fiction, ce vaste domaine que beaucoup de personnes résument à ce petit film dont nous sommes en train d'entendre la musique. Indiana Jones. Petit film pas très connu. Hein. Que d'autres personnes un peu plus bizarres résument à ça. Pas, c'est la musique de Rocky Horror Picture Show, je vous conseille beaucoup ce film. Et que d'autres personnes, hein, encore un peu plus paumées, résument à ça. Ça, ce n'est pas de la science-fiction, mesdames et messieurs, c'est du fantastique, c'est Harry Potter, ça n'a rien à voir. Pour moi, la science-fiction s'exprime principalement à travers des films, des séries et des livres. Mais comme je ne suis pas ici pour vous parler de Bernard Werber, d'Isaac Asimov, de H.G. Wells, de René Barjavel et d'Aldous Huxley, des écrivains, entre autres, je vais me restreindre au domaine des films et des séries dans lesquels j'ai déjà un peu plus d'expérience visuelle. Le terme science-fiction, cher ami radiophonique, vous diriez qu'il a été inventé en quelle année, sans regarder mes feuilles? En quelle année vous diriez que le terme science-fiction a été inventé, vraiment? Elias, est-ce que tu aurais une idée? N'importe quoi. Bah, je dirais au XXe siècle, mais je dirais une date spéciale. Non, tu dirais le XXe siècle, ok. Ouais, XXe siècle. Yann et Will, vous diriez quoi? Sans avoir lu les fiches, je dirais XIXe siècle, moi. Yann, t'as une idée? 1800 et quelques. C'est bien, il a bien retenu lorsque je l'ai dit tout à l'heure, lui. Non, ouais, c'est lui qui a raison. En fait, le terme science-fiction est apparu pour la première fois en 1851. Ça date quand même. Et il s'est imposé, par contre, il y a un peu moins de 100 ans, à la fin des années 20. Mais en 1902, le premier film sur la liste du patrimoine mondial du cinéma et le tout premier film de science-fiction reconnu par l'UNESCO commence à faire parler de lui. Son réalisateur, il a alors 41 ans, il s'appelle Georges Méliès. Et le film en question s'intitule Le Voyage dans la Lune. Si c'est pas déjà fait, je vous conseille vivement de le voir, de le regarder, de vous émerveiller devant ce court-métrage de 15 minutes environ. Georges Méliès, pour rappel, c'est un pionnier des effets spéciaux. Même à l'époque, il a mis en place des techniques révolutionnaires pour raconter l'histoire de ces savants qui organisent une expédition avec pour objectif Lune. Et pour les plus jeunes, c'est Le Vieux Fou dans Hugo Cabret. Oui, voilà aussi, c'est vrai. Voilà, Mathieu Hugo Cabret, c'est bien comme film aussi. Alors bien sûr, le film est muet. La version originale est en noir et blanc, même si elle a été recolorisée ensuite. Et ça a quand même 118 ans d'existence, ce truc. Hein. Mais c'est une pépite incontournable de l'histoire du cinéma et de l'histoire tout court, hein, que je vous conseille et que je vous re-conseille. Attends, tu viens quand même de dire dans la même phrase ce truc et cette pépite. Ouais, parce que j'aime varier mon vocabulaire. Alors, l'histoire du cinéma et de la science-fiction est riche et variée, hein, mais j'ai dû faire des choix pour écrire cette chronique. Donc, je ne vous parlerai pas de Metropolis de Fritz Lang, du jour où la Terre s'arrêta de Robert Wise, ou encore de La Guerre des Mondes, premier du nom, pas celui de Steven Spielberg. Oh, je fais ce que je veux, hein, merci. On va donc faire un bond de 55 ans dans le futur et s'arrêter le 24 avril 1957 sur le continent nord-américain. À l'époque, le Cameroun obtient une autonomie partielle, la reine d'Angleterre vient pour la première fois en France et Bernard Montiel vient de pousser ses premiers cris. Oui, je sais, on s'en fout. Et un homme de 51 ans, Fred M. Wilcox, réalise l'un des tout premiers longs-métrages de science-fiction à bénéficier de la couleur Planète Interdite. Alors ce film-là, je vais vous l'expliquer, mais je vais d'abord l'introduire par une petite anecdote personnelle. Dans le cadre de la préparation de cette chronique, j'ai demandé à des amis de me citer des titres de films, de séries de science-fiction, qui étaient pour eux bons, moins bons, inattendus, etc. Et dans toute la liste qu'on m'a donnée, Planète Interdite, dont j'avais déjà vaguement entendu parler et que je savais être un incontournable du genre, a retenu mon attention. J'ai donc décidé de le regarder pour faire mon propre avis. Et je tiens donc grandement à remercier Jean-Michel, s'il m'écoute. Jean-Michel Science-Fiction ? Non, Jean-Michel A, pour la première lettre de son nom de famille, il se reconnaîtra, qui m'a fait découvrir un véritable coup de cœur pour un film que je considère désormais comme un chef-d'œuvre. Pour reprendre ses propres mots, Planète Interdite est un vrai premier virage dans la SF. Il y a un vrai scénario avec un truc profond à réfléchir et pas seulement des fusées, des aliens et de la baston. Il y a des robots aussi. Et il y a des robots aussi. J'y viens dans un instant. Pour vous le résumer très rapidement, c'est l'histoire du commandant John Adams, alors qui pour la petite histoire est interprété par Leslie Nielsen, le célébrissime lieutenant Frank Drebin de Police Squad et des films du type Y a-t-il un pilote dans l'avion, mais qui avait beaucoup moins âgé à l'époque évidemment, et de ses hommes partis chercher un équipage disparu 20 ans plus tôt sur une mystérieuse planète. Et je vais pas vous dévoiler l'intrigue pour que vous puissiez le découvrir dans les mêmes conditions que moi, si jamais ça vous intéresse. Sachez qu'il y a encore beaucoup de choses à voir et à entendre, puisque Planète Interdite, c'est le premier long métrage de l'histoire à bénéficier d'une bande originale uniquement composée par ordinateur. Personne ne l'avait fait avant. C'est beau, c'est captivant, et l'androïde vedette du film, le robot Robbie, est devenu un symbole dans l'univers de la science-fiction, vraiment matez-le. On continue d'avancer dans l'espace et dans le temps, en passant à côté de films tels que 2001 l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, Alien le 8e passager de Ridley Scott, ou encore La soupe aux choux de Jean Giraud. Oh, ça va, hein, vous arrêtez, stop, arrêtez de gueuler. Eh oh, ça va, vos gueules! Ça va, je vais pas parler tout le temps de films de science-fiction, de tous les films de science-fiction du monde, parce que d'une, j'ai pas le temps, de deux, je les ai pas tous vus, et de trois, je fais ce que je veux. De toute façon, je pense que vous commencez peut-être à comprendre avec les exemples que j'ai donnés plus tôt, mais je préfère m'arrêter sur des films un peu moins connus. Et du coup, tu vas nous parler de quoi maintenant ? Un des films de science-fiction qui me fait le plus rire, et qui a eu le droit à un quatrième volet tout pourri l'année dernière, Men in Black. Tu viens pas de dire que tu préférais... Men in Black est sorti le 6 août 1997, soit le lendemain de la naissance d'Oliver Holt, l'interprète de Dagger dans la série Marvel Cloak and Dagger. Je sais, je le prononce mal. Et au cas où vous ayez un doute sur l'importance de cette anecdote, je vous rassure, oui, on s'en fout complètement. Le film est réalisé par Barry Sonnenfeld, le mec qui est à l'origine du film La Famille Adams, celui des années 90, hein, les deux premiers d'ailleurs, et de la série Netflix Les Désastreuses Aventures des Orphelins Baudelaire avec Neil Patrick Harris. Et histoire de se mettre dans l'ambiance... Oh, ça me fait tellement kiffer ça. Oh. Men in Black, c'est l'histoire d'une société secrète, les Men in Black, ou en français les hommes en noir. Ils sont chargés de surveiller et d'intervenir si besoin auprès d'extraterrestres sur la planète Terre. Le saviez-vous, les aventures des Men in Black sont issues d'un comic book créé et écrit par Lowell Cunningham, sorti en 1992. La bande dessinée est à l'origine beaucoup plus sombre et violente et a donc été pas mal remaniée pour les besoins du film. Mais tout à fait, mon cher Gunther. Et ce film, c'est un de mes films de science-fiction préférés parce que le duo Will Smith-Tommy Lee Jones fonctionne tellement bien. Ils sont très complémentaires, ils sont drôles et assez charismatiques pour marquer de leurs empreintes l'esprit des spectateurs pendant longtemps. Le scénario est fluide, la musique très caractéristique et petite anecdote avant de changer de sujet, parmi les extraterrestres du film se cachent des têtes très connues comme Steven Spielberg, Barry Sonnenfeld lui-même le réalisateur, Sylvester Stallone, George Lucas ou encore Michael Jackson qui apparaît non seulement dans le 1 mais dans le 2 en plus. Et je pourrais vous parler de films de science-fiction pendant des heures encore hein, comme ça. Je pourrais vous dire pourquoi Matrix est un de mes films préférés, que H2G2, le guide du voyageur galactique est un sommet d'humour absurde, que j'ai jamais vu Avatar, que j'en ai rien à foutre, que Les Gardiens de la Galaxie c'est fun et que le top 4 de mes meilleures séries de science-fiction pour moi, c'est Futurama, Fringe, Rick et Morty. Mais avant de conclure cette chronique, j'ai décidé de vous parler de la série qui occupe la première place que je vous ai pas citée, une série qui a vu le jour le 23 novembre 1963 sur la chaîne anglaise BBC One, qui est historiquement la plus longue série de science-fiction de tous les temps et sur laquelle j'aurais très facilement tenu l'intégralité de ma chronique si j'avais voulu Docteur Who. Tellement un kiff personnel là, je vous fais pas dire. Sérieusement, qui ne connaît pas Doctor Who ? Eh ben, moi déjà, parce que... Bon ben, juste pour Will alors, je vais la résumer en 3 phrases et 63 mots précisément. Je vous jure, j'ai compté. Le personnage principal, qui s'appelle le Docteur, est un extraterrestre qui ressemble à un être humain et qui possède la capacité de modifier son apparence physique lorsqu'il va mourir. Il voyage à travers l'espace et le temps à bord d'un vaisseau qui s'appelle le TARDIS. Au cours de ses aventures, il rencontre de nombreux personnages extraterrestres, trucs, etc. Oui, j'utilise le terme de trucs parce que quand vous connaissez la série, c'est très valable comme terme. Doctor Who, c'est une série fantastique de science-fiction, qui a su développer un univers extraordinaire au fil des années. D'abord pensée en partie comme une série éducative, elle a progressivement su créer sa propre mythologie et son propre univers. Des personnages devenus emblématiques, un thème musical unique, ses nombreuses références à la pop culture font que la série elle-même a su s'imposer comme une référence en la matière dans de très nombreuses autres œuvres. Une merveilleuse histoire du temps, The Big Bang Theory, South Park, Ready Player One, etc. Bref, Doctor Who, c'est vachement bien. Je vous invite à vous renseigner sur cette série sur internet si vous ne la connaissez pas encore. Mais je parle d'émission. Et vous, chers collègues radiophoniques, que ce soit Will, que ce soit Ilias, que ce soit Yann, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand on vous dit science-fiction ? Peut-être Will, est-ce que tu as une œuvre de science-fiction préférée ? J'en ai une. Et je dirais Spaceball. Oh, bon choix. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est Spaceball ? Moi, je vois, mais est-ce que tu peux expliquer pour les autres ? Spaceball, c'est un film de science-fiction comique. Mm-hmm. Et en fait, c'est débile au premier degré. C'est encore plus débile au deuxième degré. Et au troisième, on commence à avoir une critique de notre société. C'est une grosse parodie, pour ceux qui ne connaissent pas, très grosse parodie de Star Wars. Je vous fais pas dire la gueule et que Chewbacca... Et de Alien aussi, hein. Oui, et de Alien surtout. Alien Brook, c'est allé à fond dedans. Ouais. Hein. La scène du bar où il y a l'alien qui sort. Ah, c'est magique. C'est génial. Ils ont repris, voilà, pour ceux qui ne savent pas, ça spoil pas grand-chose, ils ont repris dans une des scènes du film, la fameuse scène de Alien, où l'extraterrestre du bide de John Hurt, ils ont réappelé le même acteur pour reproduire cette scène de façon comique et parodique dans ce film-là. Moi, ça me fait très rire, je trouve. Est-ce que toi, tu as une œuvre de science-fiction préférée? Oui, mais malheureusement, tu l'as cité, c'est Men in Black. Ah, c'est vraiment... Est-ce qu'on est d'accord pour... Je ne sais pas si tu l'as vu, pour dire que le Men in Black international de l'année dernière était tout pourri. Est-ce que tu l'as vu ou pas, le film de l'année dernière qui est sorti l'année dernière? L'année dernière, non. J'ai vu Men in Black 1, 2 et 3. Tant mieux, ça ne vaut pas le détour du tout. Et peut-être Yann, mon cher Yann, est-ce que toi, tu as une œuvre de science-fiction préférée? Une seule, ça va être difficile. Ah, bah, tu peux en citer plusieurs, t'inquiète, je ne suis pas pénible. Oui, ça va vraiment être dur. Comme ça, au hasard, juste pour t'embêter, je vais te sortir un film que personne n'a vu, qui s'appelle Enemy Mine, avec Dennis Quaid, réalisé par Wolfgang Petersen, le réalisateur de L'Histoire sans fin, Oui. Je conseille largement, et sinon, l'émission Apollo, c'est quand même largement mieux que la SF. Voilà, c'est pour ceux qui ont déjà écouté la première émission, je suis décidément bien entouré de trolls à chaque fois que je parle, moi. Un truc à rajouter, Flo ? Ouais. Alors, vous l'avez vu, enfin vous l'avez entendu plutôt, l'ABC Geek, comparé à la première émission, on n'a fait participer personne cette fois-ci. Parce que d'habitude, on faisait gagner quelque chose et là, il n'y a eu personne. Alors, je vais me lancer un défi et je vais lancer un appel dans le public. C'est suicidaire là. Hein. Ouais, non mais totalement. vous allez voir pourquoi. C'est pas moi qui vais choisir le sujet de ma prochaine chronique, parce que là, la première émission, je l'avais annoncé que ça allait être la science-fiction, etc. Là, c'est pas moi qui vais choisir. C'est une personne dans le public. C'est vraiment une personne dans le public qui va choisir le sujet de ma prochaine chronique. Vous pouvez dire ce que vous voulez, etc. Ça va être. Alors au hasard, je vais désigner. Tiens, la personne qui est là. Georges. Oui, parce qu'on a Marie là qui était là la dernière fois, mais on a Georges aussi, qui est une personne qui est Marie-Carmen, parce qu'elle va m'engueuler si je dis pas son vrai prénom, donc c'est Marie-Carmen. Nous avons donc Georges qui est le frère de Marie-Carmen qui est venu pour nous écouter aujourd'hui. Donc Georges, je ne sais pas si tu as une grande connaissance, une grande culture cinématographique, ou même pas grande, ça ira très bien. C'est donc toi qui vas choisir, pardon, le sujet de ma prochaine chronique. Tu peux me donner un réalisateur que t'aimes bien, un sujet, un film, n'importe quoi. C'est vraiment toi qui vas choisir ce que je vais faire la prochaine fois. Je t'écoute, qu'est-ce que tu vas me dire? T'as vraiment carte blanche. Pourvu, la seule chose que je vais te demander, c'est que ça soit pas un truc interdit au moins de 18 ans parce qu'on est écouté par des jeunes. Hein. Regarde, on a déjà Ilias là. Donc... non, voilà, vraiment, dis-moi ce que tu veux, c'est toi qui choisis. Ta carte blanche, vraiment. Vas-y, lâche-toi, Georges. Ah, le genre fantastique. Eh bien, écoutez, voilà, je l'assume en léger différé pendant cette émission. Le sujet de ma prochaine chronique sera le genre du fantastique. Je pense que je vais y aller maintenant, moi, parce qu'à mon avis, je vais ressortir mes extraits de Buffy. C'est ça. Prochaine émission, prochaine chronique, toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus de fantastique. Merci beaucoup, à la prochaine. Merci, Florian. C'était réjouissant. Je me retourne une dernière fois vers notre invité pour savoir s'il a un dernier mot à nous dire, vu que c'est la fin de l'émission. Bah, je tiens à vous dire merci, en tout cas, de m'avoir invité. Et c'était super cool comme expérience, en tout cas. Merci, ça fait plaisir. Nous aussi, on est content de t'avoir eu. C'est là-dessus qu'on se quitte. C'était la deuxième émission de la Geek Nation. On espère que ça vous aura plu. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à l'équipe du 4Gamer de nous avoir accueillis. Merci à notre invité d'être venu. On se retrouve le mois prochain, même endroit, même heure, même lieu, avec une nouvelle émission pleine de surprises, vous verrez. Vous pouvez nous retrouver sur Mixcloud, Podcard et Soundcloud, ça fait toujours beaucoup de cloud, et sur la chaîne YouTube de collectif La Nation Geek. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook du même nom pour savoir comment participer à l'émission, et n'oubliez pas, nous sommes forts, nous sommes une nation. À la revoyure. On se quitte sur une note très kitsch avec le thème du mythique jeu Night Trap. Au revoir. Game. Actu. La Geek Nation.